إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. Donc aujourd'hui on va commencer inshallah le cours numéro 7 dans l'explication du livre Al-Huquq wal-Wajibat ala al-Rijali wal-Nisa'i fi l'Islam. Et on arrive au chapitre où le Cheikh il parle de Al-Qawama. Le titre c'est Al-Qawama allati shara'aha Allah wa dana biha al-muslimuna wa bayanu asbabiha. C'est-à-dire Al-Qawama, c'est l'autorité et le rôle de chef que l'homme a sur la femme, que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et que les musulmans ont pratiqué comme religion depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'explication des causes de cette qawama pour l'homme. Donc le cheikh il dit « قالت هذه الكاتبة وهي زينب غاسب وبالتالي فإن القوامة أعطيت يعني إلى الذي أعطت أي أعطيت أعطيت تكريما للمرأة لمن يفهمها، بمعنى مثلا في حالة السفر هذا يمكن أن يكون أكثر شيء والذي يتطلب وجود المحرم، وهذا الأمر أعطاه الإسلام تكريما للمرأة نظرا لتكويناتها الجسدية لكي يكون الرجل حاميا لها ومدافعا عنها، وهذا بسبب صعوبة السفر في ذلك الوقت. أقول قولها إن القوامة أعطيت تكريما لها، أي أنه حق من حقوقه أنه حق من حقوقها على الرجل أعطاه الله تكريما لها، فالرجل إنما يقوم بها خدمة للمرأة، هذا فهم انفردت به هذه المرأة. أما العلماء فقد فهموا غير هذا الفهم، والقرآن والسنة يدلان على خلافه. قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكن فلا تبتغوا عليهن سبيلا. دلت هذه الآية على أمور، منها أن الله شرع القوامة للرجال على النساء وهي سيادة للرجال عليهن، وعلل الله ذلك بتفضيله سبحانه للرجال على النساء، وقد بينت هذه الوجوه فيما سلف وقد بينت هذه الوجوه فيما سلف في هذا البحث. وعلة أخرى وهي بما أنفقوا من المهور والنفقات الشقة التي لا يتحملها إلا الرجال، خاصة في هذا العصر الذي تشكل فيه النفقات والمهور على الرجال أعباء ثقيلة من القصور والأثاث والسجاد والكنب والمكيفات والهواتف ومطالب للنساء لا تنتهي عند حد من كثير منهن. الأمور التي أثقلت الرجال بالديون الباهظة, ولا شك أن هذا يؤكد حق القوامة للرجل. الشيخ يكسبليك ك زينب الغاصب cette femme elle a dit que la qawama, elle, la façon dont elle l'interprète, c'est que c'est une honneur qui est faite à la femme. Comme elle donne un exemple que yani la femme lorsqu'elle travaille, lorsqu'elle voyage, yani elle a besoin d'un homme, d'un mahram, parce que étant donné qu'elle est faible physiquement, donc il faut qu'il y ait un homme qui soit là pour la protéger, comme un mahram. Hein? Et ça, c'est à cause de la difficulté du voyage à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce qu'elle prétend. Ensuite, le cheikh, il explique maintenant ce passage-là, il répond à ça. Il dit donc que, selon sa parole, al-qawama, le fait que l'homme soit le chef de la famille, puis le chef de la femme, hein, ça, ce serait donné à l'homme à cause du fait que, en fait, c'est comme si l'homme était un serviteur de la femme, et que c'était Allah qui avait donné cette responsabilité à l'homme pour honorer la femme et pour servir la femme. Et le cheikh, il dit que cette compréhension-là, il n'y a personne qui est venu avec cette compréhension-là, excepté elle, parmi les femmes. Et que les ulama, ils ont compris autrement la réalité de ces choses. Donc le cheikh, il continue donc, il explique que les ulama ont compris ces choses-là d'une façon totalement différente que cette femme. Et ça, c'est à travers les siècles, hein, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là probablement que les féministes, celles qui se disent musulmanes féministes, elles critiquent souvent le fait que les savants soient des hommes, et elles disent que la raison pour laquelle les hommes sont les chefs des femmes, c'est parce que c'est les hommes qui ont interprété le Coran. Et que si c'était des femmes qui l'auraient interprété, elles l'auraient interprété d'une façon différente. Sauf qu'elles oublient que le Coran a été interprété par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les sahaba, hein. Et donc c'est eux à la base qui ont expliqué le Coran. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a reçu, cette révélation, et les sahaba qui l'ont reçu la révélation directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui l'ont expliqué et compris comme il faut et appliqué comme il faut. Et donc si ces femmes-là prétendent que l'islam a été interprété de façon incorrecte par des hommes, eh bien cette fausse interprétation-là, si elles prétendent que cette interprétation-là elle est incorrecte ou qu'elle est fausse, eh bien en réalité ça revient à critiquer et attaquer l'explication que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée de ces versets-là, et l'explication et la compréhension des sahaba de ces versets-là également. Et donc ça, c'est une grave erreur, une grave accusation de dire des choses ou de penser des choses de ce genre. Hein? Donc ça, c'est un point important. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de revenir à l'exemple des salaf salih parmi les premiers musulmans, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis dans le bien. Et qu'on doit comprendre et revenir à eux, à ces générations-là, pour comprendre notre islam comme il faut aujourd'hui. Hein, parce que c'est la meilleure génération, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » Donc les meilleures générations, c'est ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc le cheikh, il dit, le cheikh, il dit ensuite que le Coran et la Sunna prouvent le contraire de ce que cette femme-là prétend. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 34 dans Sourate An-Nisa, les hommes ont autorité sur les femmes. Ça, c'est la traduction, hein, qui est dans le qui est publié par les éditions de Médine de l'Arabie Saoudite. La traduction c'est comme ça, les hommes ont autorité sur les femmes, ça veut dire الرجال قوامون على النساء. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes haut et grand. Donc ça c'est le verset 34. Le cheikh il dit, ce verset-là prouve, hein, dans plusieurs points, que yani, la al-qawwama, l'autorité, yani, Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur les hommes, l'a donné aux hommes sur les femmes. Et c'est-à-dire que l'homme, c'est lui le chef sur la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné comme raison de ça le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié l'homme par rapport à la femme. Et ça, ça a été clarifié dans les points qu'on a mentionnés dans la recherche, dans le début de tout ce qu'on a expliqué depuis le début du livre du Cheikh. Et une autre raison de ça, c'est qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné comme responsabilité à l'homme par la suite du fait qu'il dépense de ses biens sur la femme, soit pour payer le mahar ou pour payer les dépenses de la maison et tout ce qui est obligatoire pour lui de payer comme dépense pour la femme. Et ça, ce sont des dépenses qui sont lourdes que la femme en général ne peut pas yani, respecter ou donner, hein, en particulier à notre époque. Parce que, le cheikh dit, parce qu'à notre époque, il y a de plus en plus de dépenses qui sont venues sur l'homme, dans les dépenses pour le mahar. Le mahar, c'est le cadeau que l'homme donne quand il se marie. Et aussi, les dépenses qui ont rapport avec tout ce qui a rapport avec la maison, l'allocation des salles lorsqu'on a besoin de faire la fête de mariage, surtout en particulier en Arabie Saoudite. Le cheikh il donne des exemples de qu'est-ce qui se fait là-bas. Surtout les al-qusur, c'est les salles de réception qui sont louées pour faire le walima, pour faire la fête du mariage. Les meubles et tous les accessoires ménagers et tout ce que les gens ont besoin à l'intérieur de la maison. Les tapis, hein, les appareils d'air climatisé pour mettre dans la maison, les téléphones et tous ces trucs-là que les gens ont besoin dans leur maison, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et c'est des lourdes dépenses, bien entendu. Et tout ça, ça amène les hommes parfois à tomber dans toutes sortes d'endettements, hein, à cause du fait qu'il est celui qui a la charge de ces choses-là. Et donc, ça, c'est la preuve de l'obligation, hein, que Al-Qawama soit pour l'homme et que c'est une charge sur l'homme et que l'homme doit s'en occuper parce que c'est sa responsabilité. Et donc c'est pour ça les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les a révélées pour les hommes et pour les femmes pour qu'on les applique, parce qu'on y croit en ces lois-là et en ces règles-là, parce que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Et donc on voit des cas comme ça où certaines femmes, par exemple, vont dire « Oui, mais à l'époque actuelle, c'est devenu tellement cher ou c'est devenu tellement lourd, il faut que ce soit l'homme et la femme qui partagent ces tâches-là ou ces dépenses-là. » Et on a expliqué la dernière fois que si la femme dépense de ses biens dans ces choses-là, c'est pas une obligation pour elle, hein, elle le fait, c'est seulement pour aider, si elle aide, mais c'est pas une obligation pour elle, tandis que pour l'homme c'est une obligation pour lui. Et non seulement ça aussi, c'est qu'il y a certaines objections qui ont été faites par certaines personnes, qui font des qiyas qui sont incorrectes sur la question, par exemple, de l'héritage et des choses de ce genre, qui disent par exemple qu'à l'époque actuelle, étant donné que la femme travaille et qu'elle est considérée égale à l'homme, que l'héritage devrait être également égal, puisque يعني, elle dépense de ses biens de la même façon que l'homme. Et ils oublient en fait une chose importante, c'est que la distribution de l'héritage, c'est un verdict établi par Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne peut pas être changé pour peu importe les circonstances. Et on doit en fait revenir à la règle et à la base pour établir ou pour comprendre que c'est pas les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui doivent être changées dans ce genre de loi là. C'est plutôt les habitudes mauvaises qui ont été adoptées par les musulmans dans certains pays, ou bien dans les pays musulmans, ou bien dans les pays non musulmans, du fait que la femme et l'homme ont un peu, disons, oublié leurs responsabilités mutuelles et ont dépassé les limites parfois. Les hommes de leur côté, parfois ils ont dépassé la limite du fait qu'ils n'ont pas pris leurs responsabilités, et les femmes de leur côté également ont dépassé leurs limites du fait qu'elles ont transgressé ou dépassé la limite de leur rôle que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné. Et donc la vie est devenue uniquement une course à l'argent pour avoir de plus en plus de biens, et que le succès pour beaucoup de personnes sur la terre, ils s'imaginent que c'est uniquement le succès économique et le fait d'avoir des biens, et que le reste c'est pas important. Donc ils négligent les obligations religieuses pour pouvoir ils négligent leurs obligations religieuses, et ils négligent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala juste pour arriver à acquérir le plus de biens et être capable de vivre selon les critères qui ont été établis par certaines personnes pour soi-disant être dans une catégorie de personnes qui vivent dans le luxe ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est malheureux et c'est triste. Souvent c'est les films et la télévision qui influencent la façon dont les gens doivent vivre, qu'est-ce qu'ils doivent avoir dans leur maison, l'apparence qu'ils doivent avoir physiquement et dans leur façon de s'habiller, ainsi de suite. Ils laissent ces médias-là, les films et la télévision, leur dicter leur façon de vivre et leur manière de vivre. Et ça devient pour eux le modèle à suivre, et non pas le Coran et la Sunna, et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses épouses et des femmes, des sahaba. Donc c'est ça le grand problème. Donc le cheikh, il dit ensuite, si on analyse ce verset-là comme il faut, le cheikh il dit, وَلِهَذَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى, dans ce verset, قَالَ اللَّهُ تَعَلَى بَعْدَ هَذَا فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ فَالْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الْوَاعِيَةُ تَشْعُرُ بِمَكَانَةِ الرَّجُلِ بِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ وَبِمَا يُعَانِيهِ مِنْ أَعْبَاءٍ من أعباء النفقات وما يبذله من جهود في هذا السبيل فيحمل هذا الوعي وهذا الشعور النبيل إلى جانب تقواها على بذل القنوت وهو الطاعة في أدب وإجلال للرجل الذي تدرك وتشعر من أعماق نفسها بمكانته وحقه عليها وتحملها هذا الإدراك النبيل على المحافظة على شرفها وعرضها وعرض زوجها وشرفه كما يدفعها دينها وأمانتها إلى حفظ ماله في حضوره وغيبته. وقد تكون المرأة صالحة نوعا ما ولكنها ضعيفة الإدراك والفهم أو غير صالحة فيدفعها هذا أو ذاك إلى النشوز وهو الترفع على الزوج وعصيانه وعدم مراعاتها لمكانته وحقوقه ومنها قوامته عليها. إذا حصل ذلك منها فقد أعطاه الله الحق في استخدام حق القوامة أولا بوعظها بالتخويف بالله وعقابه لها وعصيانها له ويذكرها ويذكرها بحقوقه عليها فإن تابت ورجعت إلى الصواب والطاعة لزوجها فذاك وإلا انتقل إلى الهجر انتقل إلى الهجر في المضجع فإن تمادت في غيها ونشوزها انتقل إلى آخر الدواء وهو الضرب الغير المبرح فإن لم ترعوا فإن لم ترعوي لا فله أن يطلقها وتفدي منه وتفتدي منه أو تفتدى منه أو تفتدي منه فعلاً وكل ذلك من منطلق القوامة التي أعطاها الله الخلاق العليم للرجل على المرأة. Donc on va lire ce passage ensemble, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, après, en continuant la suite de l'explication du verset, il dit que la femme qui est vertueuse, qui est pieuse, hein, qui a bien compris et qui ressent en elle-même, et qui a ressenti en elle-même le statut et la position que l'homme a donné et dans laquelle Allah lui a donné cette position de préférence, hein, Elle le constate et elle le ressent et elle le comprend. Elle comprend tout ce qu'il fait comme effort et toutes les difficultés qu'il peut avoir dans le fait de ramener l'argent nécessaire pour être capable de subvenir à tous les besoins de la famille. Et les efforts nobles qu'il fait dans ce chemin-là et les charges qu'il porte pour arriver à ça et yani, lorsqu'elle réalise ça, eh ben, ça l'aide à comprendre et à ressentir ce sentiment noble envers yani, son mari. Sans compter la piété qu'elle a envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui l'amène à être obéissante à son mari. Hein, la piété et la crainte qu'elle a envers Allah qui l'amène à être obéissante envers son mari, une obéissance qui est rempli de bonne manière et de respect pour l'homme. Hein, et lorsqu'on voit ça, le cheikh il dit, elle réalise que l'homme, lorsqu'elle a l'obéissance pour son mari, cette femme-là, à cause de sa piété en Allah subhanahu wa ta'ala, elle a cette obéissance-là pour son mari, et elle réalise et elle comprend et elle ressent du plus fond de son être de la position et l'importance que son mari a et le droit qu'il a sur elle. Et ça l'amène également à reconnaître et à prendre en considération qu'elle doit préserver son honneur pour lui et sa dignité pour lui. Et également sa chasteté ainsi que son tout ce qui a rapport avec son honneur et que en préservant son honneur à elle préserve son honneur à lui également et sa piété et sa religion et sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'amène également à préserver ses biens en son absence et en sa présence également et donc la femme qui a un certain niveau de piété et de vertu, eh bien, yani, c'est possible que parfois elle ait une faiblesse dans sa compréhension de tout ça et dans le fait qu'elle n'arrive pas à réaliser tout le bien qui vient de, par exemple, du fait que son mari remplit ses obligations et respecte ses devoirs. Et donc, ça peut l'amener parfois à tomber dans une certaine ingratitude et une certaine désobéissance envers son mari ou le fait qu'elle cherche à s'élever au-dessus de son mari et à lui désobéir et à ne pas prendre en considération son niveau et le respect qu'elle lui doit et le droit qu'il a sur elle et yani, le fait qu'il a l'autorité sur elle. Yani, tout ce qu'on a décrit là ici maintenant, c'est des choses qui nous font réaliser beaucoup de choses par rapport à la réalité de la société dans laquelle on vit actuellement. C'est que c'est triste en fait quand on lit ça. Moi de lire un passage comme ça, ça m'attriste beaucoup parce que je me dis on vit dans des sociétés où toutes ces choses-là ont été renversées à l'envers complètement. Et l'image qui est projetée, en particulier dans la société, puisqu'on n'est pas dans des sociétés musulmanes, l'image qui est projetée pour la famille et pour les liens entre un homme et sa femme, ainsi de suite, on remarque que ce sont des liens qui ont été complètement bouleversés et renversés à l'envers, et qu'il n'y a plus ce respect-là de la part de la femme envers son mari en général. Bien sûr, il y en a encore de ça, alhamdoulilah, et il y en aura tout le temps jusqu'à la fin des temps, puisqu'il y a toujours des croyants, il y a toujours des gens qui sont sur le bien. Toutefois, ce n'est plus une des caractéristiques ou des traits qui sont des choses qui distinguent une société en particulier. C'est des choses qui existent, mais qui sont vraiment des exceptions rares parfois. Donc c'est très stern. Dans les pays musulmans, bien entendu, c'est encore présent. On en retrouve beaucoup plus de ce respect-là, mais dans les pays non musulmans, surtout quand on regarde chez les jeunes comment ils sont élevés et comment ils grandissent, et quand on voit aussi l'image qui est projetée dans la société, ça donne une image qui est complètement contraire à ce qu'on a décrit maintenant. Et une grande partie de ça, ça vient du fait que, Allahu a'lam, mais d'après ce que je comprends, ça vient du fait que les gens ont une foi plus faible, soit qu'ils n'ont pas de foi du tout, si ce sont des koufars, ou bien qu'ils ont une foi plus faible en la vie de l'au-delà, et la foi en le paradis et l'enfer et tout ce qui a rapport avec l'akhirah, parce que ils ne prennent pas en considération la réalité de cette existence dans cette vie, et ils oublient qu'on est uniquement ici sur cette terre pour être testé par Allah subhanahu wa ta'ala et pour être mis à l'épreuve. Et c'est ça ce que j'avais expliqué plusieurs fois dans des cours et dans des leçons que j'avais données au sujet justement de la responsabilité de l'homme et de la femme et du rôle de l'homme et de la femme en islam. C'est que ça, c'est une chose qui est fondamentale pour comprendre le rôle de l'homme et de la femme dans l'islam. C'est que une des choses fondamentales qui nous distingue des koufars, c'est notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en l'au-delà. Et la personne qui voit la vie comme si c'est un test ou une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la vie d'ici-bas est une prison pour le croyant et un paradis pour le non-croyant. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Donc quand on prend ça en considération, on va voir tout de suite déjà en partant qu'il y a une grande différence entre la façon dont nous les musulmans on regarde la vie et comment on regarde notre existence sur cette terre, et la façon dont les koufars observent et regardent la vie, et comment ils réfléchissent sur le rôle de leur existence. Quelqu'un qui ne croit pas en rien après la mort, et qui vit dans une, par exemple, supposons qu'une personne vivrait dans un ménage qui est, dans lequel il n'est pas heureux, ou dans un emploi dans lequel il n'est pas heureux, ou la vie dans laquelle il vit, par exemple, il ne serait pas content ou satisfait à 100% de tout ça. Eh ben, pour un kafir, ça c'est la fin. Parce que, en grande partie, si tu vis pas une bonne vie dans cette vie, pour eux c'est fini, il n'y a pas d'autre vie après la mort. Et donc, la seule manière de vraiment vivre pleinement selon eux, c'est de faire en sorte de satisfaire tous nos désirs, tous nos rêves, tous nos envies, tous nos passions dans le moment présent. Tandis que pour le croyant, on ne voit pas les choses de cette manière-là, puisque, étant donné qu'on a cette foi en Al-Akhirah, cette foi en l'au-delà qui nous pousse à nous limiter et à nous abstenir de beaucoup de choses qui sont parmi les parures de cette vie et parmi les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Et ça nous aide à justement rester plus conscient que tout ça c'est temporaire, et que la vraie vie, c'est la vie qui nous attend après cette vie d'ici-bas, et d'être endurant et de faire preuve de patience face à toutes les les choses qui nous déplaisent parfois ou les choses qui sont contraires à ce qu'on désire au fond de nous-mêmes. Hein. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé par exemple dans le Coran de sabr, beaucoup. Il a parlé de le fait d'avoir de l'endurance et de la patience. Et il a mentionné également dans plusieurs versets la récompense qui attend les croyants qui ont fait preuve d'endurance et de patience dans cette vie d'ici-bas. Hein. Et donc, cette notion de sabr, si quelqu'un ne la prend pas en considération par rapport à la foi, il ne sera jamais capable de passer à travers quoi que ce soit dans les actes d'adoration et dans les épreuves auxquelles il va faire face dans cette vie d'ici-bas. Donc, as-sabr, c'est la moitié de la foi. Et c'est une des plus grandes aspects de l'adoration du cœur. Hein? Et donc, c'est un exemple aussi qui nous ramène toujours à comprendre. Quand certaines personnes disent, quand il y a des problèmes entre un homme et sa femme, et que quelqu'un, les ulama, ils disent, si tu veux être patient, alors c'est mieux pour toi. Pourquoi? Parce que dans l'endurance et dans la patience, il y a quelque chose de bien pour la créature, hein, et pour l'être humain en général. Mais beaucoup de gens, ils passent par-dessus ça et ils voient uniquement qu'est-ce qui est éphémère et qu'est-ce qui est à court terme, hein, par rapport au bien de la vie d'ici-bas, et ils se disent, il faut satisfaire tous nos plaisirs, tous nos désirs, tous nos passions, tous nos rêves dans cette vie d'ici-bas. Et c'est ça ce qui pousse les koufars à tomber dans les injustices dans lesquelles ils tombent par rapport aux droits de l'homme et de la femme, parce que ils n'ont pas de foi et de conscience, il y en a de justement pourquoi on existe, pourquoi on vit. Hein? Donc la femme croyante et l'homme croyante, ils ne vivent pas uniquement pour la vie d'ici-bas, ils vivent pour qu'est-ce qui a rapport avec le fait d'atteindre le paradis, d'atteindre la vie de l'au-delà. Et tandis que les koufars, eux, ils vivent uniquement pour satisfaire leurs désirs, pour arriver à avoir le plus de bien dans cette vie. Et sinon, pour eux, il n'y a pas de raison de continuer à vivre. Donc, ça c'est un point, je pense que c'est fondamental de le prendre en considération par rapport à ce qu'on vient de mentionner. Et de ne pas se mélanger avec ce que les koufars expliquent lorsqu'ils regardent la vie d'un point de vue purement et uniquement matérialiste. Hein. Quand je dis matérialiste, je ne parle pas matérialiste du fait d'acquérir seulement des biens matériels et de la richesse, mais je parle matérialiste dans le sens que pour eux, il n'y a rien d'autre que la matière qui existe, hein, et que pour eux, qu'est-ce qu'il y a en dehors des cinq sens n'existe pas. Hein? Donc c'est ça ce que je veux dire par matérialiste. Donc ça c'est un point très important à comprendre. Et donc le cheikh il dit que lorsqu'il y a une désobéissance qui se produit de la part de la femme, du fait que soit qu'elle a une difficulté à comprendre ou à réaliser tous les efforts et tout le bien que son mari lui fait, et en même temps les droits qu'il a sur elle, ainsi de suite, ça peut l'amener justement à essayer de désobéir à son mari, puis de s'élever au-dessus de lui, de lever la voix sur lui, de lui désobéir, ainsi de suite, et de ne pas prendre en considération ses droits, ainsi de suite. Et le cheikh il dit, et si ça arrive du point de vue de la femme, alors dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'homme, étant donné que Allah a donné à l'homme l'autorité sur elle, alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a, dans le verset 34, dans Surat An-Nisa, il donne à l'homme une méthode ou des règles à suivre justement pour corriger la situation. Hein? Et donc, c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala a donné ces règles-là à l'homme comme responsable de la femme. Et ça, ça montre, encore une fois, la position de Qawama qui appartient à l'homme et non pas à la femme. Et le Cheikh, il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala a donné donc premièrement comme moyen de résoudre les conflits et les problèmes le fait d'exhorter la femme. Et l'exhorter, de faire qu'est-ce qu'on appelle al-wa'ad, c'est-à-dire de lui rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'elle le craigne, pour qu'elle craigne son châtiment, qu'elle craigne sa désobéissance, et qu'il lui rappelle de ses droits sur elle. Donc imaginez une femme qui n'a pas cette foi en l'au-delà et qui n'a pas cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que vous pensez que cette femme-là, elle va prendre une leçon lorsque son mari lui donne une exhortation et lui demande de craindre Allah et de craindre son châtiment? Bien entendu, tous les rapports qui existent entre l'homme et la femme dans l'islam sont basés sur la piété et sur la foi et sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cette foi, sans cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, les rapports et les relations entre un homme et sa femme ne pourront jamais être correctes, ne pourront jamais être droites. Et on voit ça clairement, par exemple, même pas seulement entre les relations entre hommes et femmes, mais même entre les relations entre les frères entre eux et les sœurs entre elles, et ainsi de suite. Tout ça est basé sur la piété et sur la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si quelqu'un refuse d'accepter la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'élève au-dessus de la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou essaie de dépasser les limites d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, alors dans ce cas-là, qui va ramener les gens à la limite si quelqu'un n'a pas la foi ou la crainte? C'est certain que ça ne peut pas fonctionner. Donc l'homme, il va l'exhorter de craindre Allah, de revenir à ce qui est correct, de revenir au droit chemin, hein, et de demander à sa femme de lui obéir et de revenir à la bonne voie. Puis si ça persiste encore une fois, l'homme, il peut utiliser comme méthode pour faire comprendre à la femme qu'elle a dépassé la limite, de s'écarter d'elle, c'est-à-dire de ne pas dormir à côté d'elle. Il y en a des ulama qui disent il dort à côté d'elle dans le lit, mais il se tourne. Il lui tourne le dos et il ne s'occupe pas d'elle dans le lit. Et donc le plus qu'il puisse faire, c'est de s'écarter d'elle, hein, de ne pas dormir près d'elle. Et si elle persiste malgré tout à désobéir, ainsi de suite, alors dans ce cas-là, la dernière solution qui reste, que avant le divorce, bien sûr, hein, c'est le fait de lui donner une correction légère, c'est-à-dire comme pas de la battre, comme certains vont essayer d'interpréter le verset, de dire que l'homme dans l'islam, il a le droit de battre la femme. Non, battre, c'est même tes enfants, que ce soit tes enfants ou même un animal ou n'importe quoi, t'as pas le droit de frapper d'une façon pour blesser ou d'une façon pour faire des marques sur quelqu'un. Ça, c'est interdit dans l'islam. Mais de donner une légère correction, dans le sens comme tu donnes une tape à un enfant, par exemple, comme on dit nous ici, hein, on lui donne une petite fessée, comme on dit, à l'enfant quand il n'est pas obéissant, eh ben, c'est de cette catégorie-là, quand tu donnes une petite correction à la femme pour lui faire rappeler que, ça y est, c'est l'homme ici, c'est lui qui dirige, c'est lui le chef de la maison, quand toutes ces étapes-là n'ont pas été respectées. Puis si, malgré cette petite correction-là, elle continue à désobéir, bien entendu, après avoir amené des témoins des deux côtés, de l'homme et de la femme, puis d'essayer de faire une réconciliation entre les deux, eh bien, dans ce cas-là, s'il n'y a rien qui a fonctionné, bien, il la divorce et il la laisse partir, puisqu'elle n'est pas capable, elle ne veut pas lui obéir, et elle ne veut pas s'arrêter à la limite d'Allah subhanahu wa ta'ala. et respecter les droits qu'elle a envers son mari, dans ce cas-là, il la laisse partir puisqu'elle est malheureuse avec lui et qu'elle n'a pas trouvé de moyen de revenir à son obéissance, ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que toutes ces choses-là appartiennent uniquement à l'homme. Même le divorce appartient à l'homme. Et le droit de divorcer, ça appartient à l'homme aussi. Donc, tout ça, c'est mis entre les mains de l'homme. Et c'est pour ça l'importance, donc, de lorsque une fille doit être mariée, que les parents cherchent pour leur fille un homme qui est pieux et que l'homme se marie avec une femme pieuse pour éviter les problèmes, hein, pour éviter les problèmes par la suite. Parce que aujourd'hui, maintenant, ce qui se passe, c'est que souvent les familles, quand ils recherchent un mari pour leur fille, ils ne prennent aucune considération avec la religion. Ils se basent seulement sur les positions sociales, les diplômes, les emplois et la réputation basée sur la culture. C'est-à-dire, ah, lui, c'est une bonne personne. Hein. Et ça se limite à ça, sans prendre en considération la religion, la aqida, le manhaj ou autre chose de ce genre, hein, et la piété hein, en général, et le bon comportement, al-khuluq, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses qui font que maintenant les mariages ne fonctionnent pas. Il y a beaucoup de divorces entre les musulmans. Et yani, pourquoi ? Parce que notre vie, comment elle est établie maintenant, elle n'est pas vraiment établie comme il faut sur le Coran et la Sunna. Et ça fait en sorte que nos cœurs sont tiraillés par toutes sortes de rêves, toutes sortes d'objectifs qu'on s'est mis soi-même dans notre cœur, qu'on essaie d'atteindre parfois, comme c'est une sorte de mirage, on se demande est-ce qu'on va l'atteindre un jour. La femme, elle a ses rêves, elle a ses buts, ses objectifs. L'homme, lui, il a son but, ses rêves et ses objectifs. Les deux courent chacun de leur côté vers une autre direction. Hein. C'est comme si tous les deux essaient d'aller quelque part et, bien entendu, ça marche pas. C'est comme une voiture qui aurait deux conducteurs. Hein. Ça peut pas, la voiture peut pas avancer tant qu'un des deux conducteurs accepte de laisser le contrôle à l'autre du volant. Si la voiture a deux volants puis que les deux veulent aller à deux endroits différents, ça marchera jamais. Et donc ça, c'est une des raisons pourquoi souvent ça ne fonctionne pas entre l'homme et la femme. Mais bon, tout ça pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné ces règles là à l'homme. Et c'est un petit peu comme je donne souvent comme exemple. Regardez par exemple dans la société même, par rapport à des choses qui n'ont pas nécessairement rapport avec la religion, ou bien qui ont rapport avec la religion, mais par rapport au fait que nous on est dans un pays non musulman, vous allez voir que par exemple, il y a un policier par exemple. Hein. Le policier, il a une autorité. Étant donné qu'il représente la loi et l'autorité dans la société. Lui, s'il fait, il a des droits ou il a des droits et des devoirs qui sont pas les mêmes que les autres citoyens. Même si on dit que tout le monde est égaux, il a des privilèges du fait qu'il représente l'autorité et la loi. Hein? Et si l'homme, un policier par exemple, frappe un citoyen, bien sûr, il peut porter plainte, ainsi de suite et tout, mais il peut pas se corriger lui-même le policier. Hein? La même chose, bon, pour vous donner un exemple moins extrême, parce que ça c'est peut-être un exemple qui est très très loin de nous. Parce que, bien entendu, on en retrouve beaucoup d'exemples d'injustice ou de choses de ce genre par rapport à certains policiers même, des fois qui exagèrent, qui font des abus de pouvoir. Mais vous avez des exemples aussi, comme par exemple, si ton père te fait une injustice, hein, si ton père, par exemple, te frappe, ou bien ton père, par exemple, agit d'une façon incorrecte envers toi, Tu peux pas le frapper, tu peux pas le corriger, tu peux pas l'insulter ou des choses de ce genre, ça c'est haram. Mais si lui il le fait pour, contre toi, s'il te frappe par exemple, ou s'il t'insulte, ou s'il te fait une injustice, toi tu peux pas le corriger. Lui, si tu l'insultes toi, et si tu lui fais une injustice, ou si tu agis mal envers lui, lui il peut te corriger puisque c'est ton père. Hein? Donc ça c'est un exemple qui montre qu'il n'y a pas d'égal, il n'y a pas une égalité entre tout le monde dans l'islam, même si on est tous égaux de, on est dans le sens que au jugement dernier Allah va trancher entre nous tous, hein, avec justice, hein, avec une justice égale. La question c'est pas ça, la question c'est dans cette vie, est-ce qu'on a tous les mêmes droits et responsabilités les uns envers les autres? Non, puisque par exemple le père il n'a pas la même, les mêmes droits et responsabilités que le fils et que la fille et que les enfants, et la même chose la femme envers son mari. Donc le père il a un degré de supériorité sur ses enfants et le mari il a un degré de supériorité sur sa femme. Et donc ça c'est des exemples pour nous faire comprendre ton père par exemple, si tu lui dis si ton père te dit par exemple fais ça pour moi, puis tu le fais pas, puis il te donne une fessée, hein? Ça c'est yani quelque chose qu'il peut faire. Mais si toi tu lui demandes à ton père de faire quelque chose pour toi puis qu'il le fait pas, est-ce que toi tu peux lui faire ça? Bien sûr que non. Alors la même chose pour entre un homme et son mari, entre un homme et sa femme, pardon. C'est la même chose. C'est que l'homme, lui, il a un degré de supériorité. Si l'homme fait une injustice envers sa femme ne peut pas elle-même corriger son mari. Elle doit passer par un intermédiaire pour arriver à faire respecter ses droits, parce que l'homme, il a un degré sur elle. Elle doit passer, par exemple, par la cour et faire une plainte aux autorités pour que son droit soit respecté. Tandis que l'homme lui-même, si sa femme est désobéissante ou des choses de ce genre, il doit lui-même arriver à suivre les étapes nécessaires pour arriver à corriger la situation. Hein? Tandis que la femme, elle peut pas faire les mêmes démarches. Elle peut pas prendre ce verset-là puis dire bon moi je vais l'appliquer comme si j'étais un homme, et puis elle donne exhortation à son mari, puis elle dit bon je vais me séparer de lui dans le lit, puis ensuite elle dit bon, je vais lui donner une légère correction là, hein, une petite fessée pour lui faire revenir au droit chemin ou ainsi de suite. Il peut pas faire ça. La femme peut pas faire ça parce que ce verset-là, il s'applique pas à la femme, il s'applique à l'homme seulement. Pourquoi? Parce que Allah a donné cette qawama uniquement à l'homme et non pas à la femme. Et c'est comme ça que le cheikh, en fait, il réfute les paroles de cette femme, Zainab al-Ghasib, pour lui faire comprendre que Al-Qawama, c'est pas juste une question comme elle le prétend d'honorer l'homme, et que c'est un service que l'homme a à rendre à la femme, hein, et que c'est juste une question de responsabilité de l'homme, que l'homme a sur la femme. Non, c'est une question que l'homme a un degré au-dessus de la femme, et que Allah lui a donné cette supériorité-là, et que c'est lui le chef sur la femme. Et il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme dans ces choses-là. Et même le divorce, elle peut pas dire à son mari je te divorce. Et puis même si elle le disait, ça s'applique pas, c'est pas comme ça. Et même le khul, comme on dit, le khul, c'est pas le divorce de la femme. C'est pas la femme qui divorce dans le khul. C'est l'homme qui divorce sa femme à la demande de la femme en échange de quelque chose, de l'argent, du mahar ou quelque chose comme ça, ou d'un montant d'argent qu'ils se sont mis d'accord là-dessus. Et si l'homme refuse de la divorcer, ça le rôle, ça se fait devant le juge, hein. Ça se fait pas comme ça entre une femme peut demander à son mari de la divorcer sans rôle, vous comprenez. Une femme pourrait dire à son mari divorce-moi, puis lui il lui répond, il dit tu veux vraiment que je te divorce, et elle dit oui, bon il dit ok je te divorce, sans parler de remise d'argent ou de mahr ou quoi que ce soit. Ça, ce serait considéré comme un divorce. Mais le khul, c'est quand l'homme refuse de divorcer sa femme et qu'elle ne peut pas se divorcer elle-même, c'est elle va devant le juge, et là le juge va demander à l'homme de divorcer sa femme, et s'il refuse, il va le forcer à le faire. Hein? Donc c'est ça la différence entre le khul et le divorce. Il y a pas, c'est pas le khul, c'est pas un divorce. Et c'est pas vrai que la femme peut divorcer comme elle veut, comme un homme, non. Donc c'est pour vous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné la responsabilité de l'homme sur, à l'homme sur la femme. Et c'est pas égal des deux sens et des deux côtés, hein. Parce qu'il y a des modernistes qui interprètent le rôle comme étant un divorce. Et il y en a qui essaient d'interpréter aussi, en tout cas, il y a des points, comme il y avait un point que je voulais mentionner, mais malheureusement je ne le trouve pas. C'est qu'ils essaient de faire comprendre que la femme elle a le droit de divorce comme l'homme et que la femme a ci et ça. Il faut faire attention aux interprétations qui sont propagées par ces modernistes-là qui s'adressent en langue française souvent pour les qui parlent pour, souvent pour les non-musulmans ou pour les convertis. Ils essaient souvent de leur transmettre les informations d'une manière à leur faire croire que l'islam, c'est les droits de l'homme et que dans l'islam, il n'y a pas de différence entre les droits de l'homme et l'islam. Et ça, c'est incorrect. Ils font ça souvent, c'est parce qu'ils ont un complexe d'infériorité ou bien ils sont gênés de la révélation d'Allah. Donc, ils veulent essayer de changer le message de l'islam et la révélation d'Allah pour essayer de faire plaisir à des gens qui ne sont pas musulmans ou bien des choses de ce genre. Et ils veulent imiter les koufars dans les règles que les koufars ont inventées par rapport à l'homme et la femme. Et ça, c'est une sorte de trahison en fait envers Allah et envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et clarifier les choses réelles telles qu'elles sont dans la révélation et non pas essayer de satisfaire les désirs de quiconque. Donc le cheikh il dit kulluha, donc tous ces règles là que Allah a donné et la qawama, al-qawama, l'autorité que l'homme a donné à la femme, ça fait partie des choses que Allah a donné à l'homme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le juste, hein, il est juste, il est l'omniscient, hein, et c'est lui qui a créé l'homme et la femme, et donc il connaît mieux que nous ce qui convient comme règle et comme loi à l'homme et à la femme. Donc il faut prendre ça en considération, c'est très important. Ensuite, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il cite les paroles de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir pour confirmer, pour supporter encore plus qu'est-ce qu'il amène comme explication. Et il a cité les paroles de Ibn Kathir, et ensuite il cite les paroles de l'imam Al-Qurtubi, et après il cite les paroles de l'imam As-Sa'di dans leur tafsir. Mais juste pour vous faire prendre note que il aurait pu citer tous les tafsirs, tous les livres de tafsir, depuis le premier tafsir qui est le plus célèbre, le tafsir al-Tabari, jusqu'à tous les tafsirs qui ont été écrits jusqu'à aujourd'hui, par les ulama d'Ahl Sunna wal Jama'a, vous allez trouver qu'ils disent tous la même chose à ce sujet-là. Il n'y en a pas de divergence entre les savants de l'islam à ce sujet-là. Et donc, c'est juste pour vous dire en passant que le cours d'aujourd'hui, ça va être le dernier cours qu'on va faire sur ce livre. Parce que les arguments les plus importants ont été mentionnés et les explications les plus claires ont été données déjà. Le reste, c'est juste des détails qui sont rajoutés pour confirmer puis supporter tout ce qui a été dit au début. Donc, c'est juste, on va lire les explications des savants de tafsir au sujet de ce verset-là, puis ensuite on va stopper à l'endroit où on va s'arrêter, puis inshallah ça va être le dernier cours à ce sujet, parce que le but c'était uniquement de réfuter les fausses arguments présentés par les féministes qui se disent musulmanes féministes, hein, et montrer leur déformation de la réalité. Donc Le cheikh il dit, وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية يقول تعالى الرجال قوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا عوجت بما فضل الله بعضهم على بعض أي لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة donc c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir il dit ici rahimahullah dans son tafsir que Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes sont des qawamoun sur les femmes il dit les hommes l'homme est un qayyim sur la femme le singulier de qawamoun c'est qayyim d'accord en arabe et la signification de ça comme Cheikh l'imam Ibn Kathir il l'explique il dit huwa ra'isuha c'est-à-dire c'est son chef wa kabiruha c'est-à-dire c'est son yani kabir c'est-à-dire le grand hein? Donc c'est lui qui est son yani comme si c'est lui qui est plus grand par rapport à elle wal hakim 'alayha et c'est comme il est comme un juge sur elle ou un dirigeant sur elle hein? Comme un président c'est son président hein wa mu'addibuha idha wajjat et c'est lui qui la corrige lorsqu'elle dévie ou qu'elle commence à être croche hein qui la redresse donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Kathir et après il dit bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd à cause de qu'est-ce que Allah a donné comme préférence à l'homme sur la femme hein ou à certains d'entre eux c'est-à-dire aux hommes sur les femmes et il explique ça c'est-à-dire il dit c'est-à-dire que l'homme est meilleur que la femme les hommes sont meilleurs que les femmes en général et l'homme est meilleur que la femme il dit ar-rijal afdalu min an-nisa wa ar-rajul khayrun min al-mar'a aujourd'hui si tu dis ça dans une assemblée d'hommes et de femmes qui sont des kuffar Eh ben, c'est sûr que ça va faire un gros scandale et annie pour eux d'entendre des paroles comme ça parce que, en réalité, moi, d'après ce que j'ai compris, c'est que, on a été conditionné à croire en l'égalité de l'homme et de la femme. C'est un genre de lavage de cerveau qu'on nous a fait depuis l'enfance dans les sociétés occidentales de nous dire sans arrêt, l'homme est égal à la femme, la femme est égale à l'homme, la femme est égale à l'homme, l'homme est égal à la femme, la femme est égale à l'homme. Et de l'entendre comme ça, être répété constamment, sans arrêt, comme si c'était un dogme qu'on essayait de nous inculquer et de nous enraciner dans le cœur et de nous rentrer dans la mémoire et dans la tête, sans arrêt, comme si c'était une chose qui était absolue, irrévocable, yani indéniable, quelque chose qui est une vérité, yani absolue comme 1 plus 1 égale 2, aussi vrai que, yani, je ne sais pas quel exemple donner, mais c'est juste pour faire comprendre à quel point on nous a inculqué cette notion-là depuis l'enfance. Ça me fait penser presque à la Trinité des chrétiens. Comment on nous a appris quand on était chrétien, depuis qu'on est tout petit, Jésus c'est le Fils de Dieu, Jésus c'est le Fils de Dieu, Dieu est 3 en 1, Dieu est 3 en 1. On nous a répété ça depuis l'enfance tellement de fois, hein, puis on nous parle toujours de Jésus, Jésus, Jésus, Jésus. Depuis qu'on est tout petit, la première chose qu'on apprend, c'est l'histoire de Jésus, puis la naissance de Jésus, puis comment Jésus a vécu, puis ainsi de suite. Et puis, quand on réfléchit même plus à ça, ça devient un certain point qu'on ne se pose même plus de questions, on réfléchit même plus à ça, ça devient comme si c'était une chose qui était vraie et absolue. Alors que lorsqu'on retourne, même dans les références des chrétiens et dans les textes, et quand on commence à réfléchir même sur la logique par rapport à ce point-là, on voit tout de suite que ça tient pas debout et que ça fait pas de sens. Eh ben, c'est la même chose pour la question de l'égalité entre la femme et l'homme. C'est des choses qu'on nous répète, qu'on nous répète, qu'on nous dit, qu'on nous répète, et on commence à y croire parce que on nous l'a tellement répété, on nous l'a tellement dit, tellement de fois, que c'est devenu une chose. Maintenant, les gens peuvent plus remettre en question. Ils sont devenus comme convaincus que c'est la vérité. Alors qu'il n'y a rien qui prouve ça. Il n'y a rien qui prouve cette égalité-là dans la réalité. Ni dans la raison, ni dans la révélation. Mais là, c'est rendu que des musulmans, au nom de l'islam, veulent essayer de nous faire croire en ça et de nous imposer ce dogme-là et cette idée-là, alors qu'il n'est pas dans le Coran, il n'est pas dans la Sunna. Toutes les preuves sont devant nos yeux, dans la révélation pour nous montrer que c'est pas vrai, que c'est le contraire. Hein. Donc il faut savoir comment ça fonctionne, cette programmation-là qu'ils sont en train de faire dans nos esprits, et comment faire pour réfuter ces arguments-là. Et ça m'est déjà arrivé de, comme je vous avais dit peut-être déjà, que j'avais fait une présentation sur ce sujet-là devant des non-musulmans même une fois, et puis il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu de grand problème, mais c'est parce que je leur ai fait comprendre la situation et la question en leur donnant des exemples qu'ils ont été capables de comprendre. Et ils ont eux-mêmes admis par la suite que oui, c'est vrai. Il y a des choses qui tiennent pas dans l'argumentation des féministes et des gens qui appellent à l'égalité de l'homme et de la femme. Donc, personne peut renier la réalité parce que c'est des faits, c'est de la logique, c'est la réalité même qui vient nous le dire. Hein. Donc, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Alhamdulillah. Donc, on voit dans les paroles de l'imam Ibn Kathir qu'il dit ces choses-là sans aucune gêne, hein, sans aucun inconfort, sans se sentir mal à l'aise par rapport à quoi que ce soit. C'est tout à fait normal pour lui de dire ça. Et nous, aujourd'hui, la façon dont on en parle, on doit en parler de la même façon. Hein. Les sahaba, ils n'étaient pas gênés quand on leur posait des questions par rapport à l'islam, de répondre la réalité telle qu'elle était. Hein? Même si ça pourrait soi-disant choquer ou déranger les gens, ils le disaient d'une façon claire et nette. Hein? Tout n'est pas autour du pot. Nous, aujourd'hui, on utilise toutes sortes de façons de dire les choses pour essayer de justement faire en sorte que ça fasse plaisir à ceux qui nous écoutent. Puis des fois, en faisant ça, on travestit, on porte injustice à l'islam en agissant comme ça. Donc le cheikh, il dit que l'homme est meilleur que la femme, et il dit que c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la prophétie soit uniquement chez les hommes. C'est-à-dire les prophètes sont uniquement des hommes, de même que la dirigeance absolue, c'est-à-dire le pouvoir de chef ou de dirigeant dans l'islam est limité à l'homme également. Et il cite le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdurrahman ibn Abi Bakra, selon son père, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. Hein, qu'un peuple dont le chef est une femme n'aura jamais le succès. Et comme ça, c'est rapporté par Al-Bukhari selon Abdurrahman ibn Abi Bakra et selon son père, et il dit également la position de juge et ainsi de suite. Donc ça veut dire que les positions d'autorité ne peuvent pas être prises par des femmes dans l'islam, comme le fait d'être chef d'État ou le fait d'être prophète ou les choses de ce genre. Et ça a été uniquement pour des hommes. On n'a pas le droit de donner ça à une femme, de même que la position de juge. Okay? Et donc, ça, c'est des choses qui sont supportées par ces preuves-là. Et le cheikh, il dit, par la suite, l'imam Ibn Kathir, il continue: « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، أي وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمر الله به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله وحافظة لماله، وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك، وساق ابن كثير أحاديث في وجوب طاعة المرأة لزوجها وتحريم معصيته، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، وفسر بقية الآية مبنيا مبينا حقيقة النشوز وحكم الهجر والضرب والمشروع ولا يتسع المقام لنقله. دونك الشيخ الزي ك également parmi les il dit que il cite la suite du verset وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ après avoir expliqué les choses qui font que Allah a privilégié l'homme sur la femme, il l'a préféré sur la femme. Ensuite, il dit et également parce que Allah parce qu'ils donnent de leurs biens. Et il mentionne comme exemple les muhur, al-muhur, c'est-à-dire le cadeau pour le mariage, al-mahr, et les dépenses qu'ils donnent pour nourrir, pour vêtir, pour loger leur femme, ainsi que les autres dépenses qui sont nécessaires pour leur femme. Et ça, c'est des choses que Allah a ordonné à l'homme pour la femme, hein, sans compter les visites chez le médecin, chez le dentiste, hein, les soins et toutes les autres choses que l'homme doit également dépenser pour sa femme et pour ses enfants. Donc tout ça, c'est des dépenses que Allah a ordonnées pour l'homme et non pas à la femme. Et donc le cheikh, il dit donc, Ibn Kathir, il dit donc l'homme est meilleur que la femme en lui-même. Hein, et il est meilleur que la femme du fait que également il dépense de ses biens sur elle. Donc le cheikh c'est ça qu'il dit. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال. Donc il est meilleur que la femme en lui-même parce qu'il est un homme, et il est meilleur que la femme du fait qu'il a des mérites sur elle et il lui donne qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc ça fait qu'il a encore plus de préférence et de priorité et d'autorité sur elle. Et فَنَسَبَ أَنْ يَكُونَ قَيِّمًا. Et à cause de ça, c'est pour ça qu'il est, yani, qu'il a l'autorité sur la femme et qu'il est au-dessus de la femme. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un autre verset, وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً. Et les hommes ont un degré de supériorité sur les femmes. Et il mentionne également les paroles de Ali ibn Abi Talha. Selon Abdullah ibn Abbas, et Abdullah ibn Abbas c'est Turjuman al-Qur'an, c'est-à-dire c'est lui qui est l'interprète du Qur'an, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua spécial pour Abdullah ibn Abbas en disant « Oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et donne-lui l'interprétation du Qur'an. « Allahumma faqqihu fi d-din wa 'allimhu at-ta'wil. » Donc, il est parmi les plus grands savants de l'islam et spécialisé dans l'interprétation du Coran en particulier et dans l'explication du Coran. Et donc, c'est ce sahabi-là, il a expliqué, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit les hommes sont des qawamoun sur les femmes, ça veut dire qu'ils sont comme des dirigeants sur elles, comme des chefs au-dessus d'elles. Et elle doit l'obéir dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné comme commandement et obéissance. C'est-à-dire, l'homme, il a l'obligation de faire respecter à sa femme et à ses enfants et aux gens de sa maison l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Comme Allah dit dans le Coran, dans l'autre verset, Qu'u anfusakum wa ahlikum nara. Sauvez vous-même et vos enfants et vos familles du feu de l'enfer. Donc ça c'est de faire respecter son ordre, et elle doit aussi l'obéir quand il lui demande quelque chose, et yani, d'agir bien envers elle, et elle, elle doit agir bien également envers sa famille et préserver ses biens, ainsi de suite. Ça, cette interprétation-là, elle a été rapportée par Muqatil et As-Suddi et Ad-Dahhak et Abdullah, l'imam Ibn Kathir. Ensuite, il rapporte des hadiths au sujet de l'obéissance pour la femme d'obéir à son mari et l'interdiction qu'elle a de lui désobéir. Et bien entendu, cette obéissance-là, c'est uniquement dans le bien. C'est-à-dire, la femme, si l'homme ordonne à son mari de... Si l'homme ordonne à sa femme de faire un péché, la femme n'a pas le droit de l'obéir dans le péché. Elle doit uniquement faire qu'est-ce qui est bien. Si son mari lui dit de faire un péché, elle doit s'abstenir de l'obéir dans le péché. Et il mentionne le verset qui dit, le cheikh Ibn Kathir, il mentionne le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si je devais ordonner à quelqu'un d'obéir ou de se prosterner à une autre créature, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son mari à cause du grand droit qu'il a sur elle. Et le cheikh il dit, فسر بقية الآية مبنيا حقيقة النشوز مبينا حقيقة النشوز ainsi de suite. Ensuite, il a interprété la suite de ce verset là. Il dit, وبهذه المناسبة أقول لقد قرأ الناس طعن بعض النساء هذه الأيام في حديث أبي بكر وفي أبي بكر نفسه وقلق أخريات منه وهذا أمر ينذر بشر. Il dit qu'il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont parlé en mal du compagnon Abi Bakr et qui ont essayé de critiquer ce hadith, le hadith qui parle du fait que un peuple n'aura pas de succès tant que s'ils ont comme dirigeant une femme. Et ils essaient de critiquer ce hadith-là, et ils mentionnent à ce sujet-là des choses vraiment mauvaises, et ils disent par exemple des choses mauvaises sur le compagnon Abi Bakr, et ils rejettent le hadith authentique. Donc il faut faire attention justement aux gens qui suivent cette tendance-là, qui rejettent des hadiths authentiques quand c'est contraire à leur passion ou quand c'est contraire aux passions des ennemis de l'islam. Donc ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir. Il dit « وقال القرطبي في تفسير هذه الآية المسألة الأولى الرجال قوامون على النساء ابتداء وخبر أي يقومون بالنفقة أو يقومون بالنفقة عليهن والذب عنهن وأيضا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو وليس ذلك في النساء وساق روايات فيها أن المرأة لا تقتص من زوجها إذا ضربها. Donc le cheikh il a mentionné dans son tafsir, l'imam al-Qurtubi, que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit que les hommes sont al-qawwamun ou sont qawwamun sur les femmes, c'est-à-dire que c'est eux qui doivent donner aux femmes qu'est-ce qu'elles ont besoin comme bien, comme dépenses, comme par exemple le logement, le vêtement, la nourriture, ainsi de suite, et de protéger les femmes. Donc c'est l'homme qui est responsable pour protéger la femme. Et également, il y a parmi eux les dirigeants et les juges, et également le fait de combattre et de faire partie des combattants. Ça, c'est uniquement pour les hommes et non pas pour les femmes. Puis il a mentionné des narrations à ce sujet-là. Puis il a mentionné également que lorsqu'un homme frappe sa femme, elle n'a pas de il n'y a pas le talion ne s'applique pas. Et après il dit waqala fi thaniya dallat hadhihi al-aya ala ta'dhib ar-rijal. Donc ça c'est dans les paroles de l'imam al-Qurtubi. Dans le tafsir, si vous retournez, le cheikh il n'a pas mentionné les détails de ça, mais si vous voulez savoir les détails, vous retournez au tafsir de l'imam Ibn Kathir. D'accord. Après, il mentionne encore ثم قال الثانية دلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم إذا فإذا حفظنا حقوق الرجال فلا ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها. Il dit que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il montre également comment l'homme doit éduquer la femme et comment il doit la corriger. Hein? Et si elle respecte les droits de son mari, elle ne doit, si la femme respecte les droits de son mari, il ne doit pas agir mal envers elle. Hein? Il doit la traiter avec bonté et avec respect. Et le cheikh il dit وقوام فعال للمبالغة من القيام على الشيء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد وقيام قيام الرجل على النساء وهو على هذا الحد فهو يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز وإن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم وصل في تفسير الآية إلى تمام 11 مسألة. Donc il dit dans le deuxième point à ce sujet, au sujet de ce verset, il dit que ce verset-là il parle du fait que, où il prouve que l'homme il doit éduquer sa femme, comme j'ai dit tout à l'heure, et elle doit préserver ses droits, ainsi de suite. Et le mot qawwam, c'est sous la forme fa'al en arabe, qui veut dire l'ilmubalara min al-qiyam. C'est-à-dire que le fait, al-qiyam, ça veut dire de se tenir, hein, de se tenir sur quelque chose, ou de rester droit. Et donc, fa'al, la forme fa'al de ce verbe-là, ça veut, de ce mot-là, ça veut dire quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts ou un effort extrême pour arriver à se tenir droit et à prendre en charge ses responsabilités-là. Donc, ça exprime le niveau d'effort dans la préservation de la femme et dans le fait de prendre cette charge-là, de s'occuper de la femme. Donc, l'homme, il doit se tenir, justement, ferme et droit dans ses responsabilités envers la femme à ce niveau-là, de s'occuper d'elle, de l'éduquer, de la corriger, de la tenir dans la maison et de l'empêcher de s'exposer et d'exposer ses atours lorsqu'elle sort, ainsi de suite. Et elle doit l'obéir et accepter son commandement tant que ce n'est pas une désobéissance. Et la raison de ça, c'est les exemples mentionnés, comme le fait qu'il a le mérite sur elle et il a l'excellence, il a la supériorité au-dessus d'elle, et du fait qu'il dépense de ses biens et du fait par rapport à la raison et la force qu'il a. Et donc ça, c'est relié par exemple au djihad et à l'héritage et à l'ordonnance du bien et à l'interdiction du mal. Et il a continué par la suite avec le reste du verset. Donc c'est vrai que tous ces versets-là, et pour ce verset-là seulement, il a mentionné, l'imam Al-Qurtubi, il a mentionné 11 questions, 11 points qu'il a clarifiés un par un. Donc c'est pour dire que le tafsir de l'imam Al-Qurtubi, c'est un tafsir qui se concentre beaucoup sur les questions de fiqh. Et il rapporte sur ces questions-là beaucoup de détails, c'est-à-dire il explique beaucoup plus, de façon beaucoup plus détaillée par rapport à certains détails que d'autres tafsirs quand c'est des questions de fiqh et des choses de ce genre. Donc c'est un très très bon tafsir qui rapporte les preuves du Coran et de la Sunna. Et il contient également des bonnes réfutations des soufis également. Dans certains versets. Donc, en tout cas, c'est juste pour vous dire, malgré que, bon, il y a certaines fois, il y a des ta'wilat au sujet des attributs, mais à part de ça, à propos des attributs d'Allah, mais sinon, le reste, à part de ça, c'est un tafsir des plus bénéfiques. Qu'est-ce que je voulais dire, donc, pour terminer, Inch'Allah, comme j'ai dit, ça va être le dernier cours à ce sujet-là. On ne va pas compléter le livre complet parce que le reste, on a déjà vu. C'est des répétitions, puis des détails, pour clarifier certains détails. Donc, tout ce qu'on avait à clarifier et à expliquer, la plus grande partie, on l'a expliqué déjà. Donc, je pense qu'à partir de ce qu'on a lu maintenant, vous allez avoir une base de compréhension de ce sujet-là, et vous allez être capable par la suite, Inch'Allah, de répondre aux gens qui amènent des faussetés au sujet de l'islam, à ce sujet-là, qui appellent à l'égalité de l'homme et de la femme dans l'islam. Vous allez être capable de leur montrer que ça, c'est absolument faux, que c'est contraire à l'islam, que l'égalité absolue entre l'homme et la femme, même dans la raison, il n'y a rien qui le supporte, il n'y a rien qui le défend. Et que, pour terminer, peut-être dire que le but, bien entendu, c'est pas de faire des compétitions entre l'homme et la femme pour savoir lequel des deux est meilleur et des choses de ce genre, comme les débats enfantins que font parfois les kuffars. Non, le but c'est pas ça. Le but c'est plutôt de clarifier l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas essayer de faire dire au texte ce que les textes ne disent pas, hein, de ne pas essayer de faire, d'interpréter les paroles d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon différente, juste pour essayer de faire en sorte que ce soit plaisant et acceptable pour les non-musulmans. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et dites-vous une chose, c'est que les kuffars sont actuellement déviés, sont des gens qui ont été aveuglés de la vérité. Et donc, si on commence à se limiter et à se restreindre à ce qu'ils veulent, eux, pour parler de notre religion, ça veut dire qu'on doit les suivre dans leur aveuglement et dans leur égarement. Et ça, à la longue, ça va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'islam. Il va y avoir ce qu'on va suivre de notre religion, c'est uniquement ce qui est en accord avec leur passion. Et Allah nous a interdit ça dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans un verset dans le Coran, les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de vous ou ne seront jamais satisfaits de toi, ô Muhammad, parce que dans le verset Allah s'adresse au prophète, mais ça s'applique également à tous les musulmans, hein, que les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu ils suivent leur religion. Donc, il faut se dire qu'on ne doit pas suivre leur passion et leur religion quand ils nous ordonnent ou quand ils veulent nous interdire des choses. Parce qu'ils veulent nous dicter comment comprendre notre religion et qu'est-ce qu'on doit accepter de notre religion et qu'est-ce qu'on doit rejeter de notre religion, comme si c'était eux les juges sur la parole d'Allah. Et comme s'ils avaient le droit de juger Allah et son messager, et de demander des comptes à Allah et à son messager. Donc ça, c'est déjà une insulte en soi, c'est déjà une attitude dérespectante, hein, et insultante envers Allah et son messager. Donc, il n'y a personne qui a le droit de juger Allah et son messager. Et lorsque Allah et son messager ont décidé d'une chose, eh bien, le croyant, il n'a d'autre choix que de l'accepter et d'y croire et de s'y soumettre. Hein? Donc, Yanni, je pense qu'on a dit ce qui était le plus important. Wallahu a'lam, si j'ai oublié quelque chose, Yanni, c'est Yanni, le shaitan qui m'a fait oublier. Mais bon, je pense qu'on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et j'espère que ce qu'on a expliqué, ce qu'on a dit, ça a été bénéfique pour vous et que ça va être quelque chose qui va vous aider dans votre compréhension de l'islam, dans votre foi, dans votre pratique de la religion. Et continuez l'étude et l'apprentissage de l'arabe et du Coran et de la Sunna. Et faites des efforts, hein, pour essayer de vous avancer dans votre compréhension de la religion, puis de transmettre autour de vous les clarifications, puis les preuves et les explications par rapport, qui ont rapport avec l'islam, pour que les gens puissent y comprendre le mieux possible leur religion, parce qu'on est dans une époque où l'ignorance est partout et où même on essaie même d'interdire la vérité. Donc il faut faire notre possible pour diffuser la science, la faire transmettre, la faire se diffuser parmi les croyants et même parmi les non-croyants pour qu'ils sachent la réalité de l'islam. D'accord, c'est très important. Donc si j'ai fait une erreur, c'est de moi-même et du shaitan. Et si j'ai dit quelque chose de bien et de véridique, alhamdulillah, alors ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous remercie, puis جزاكم الله خيرا سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ah oui, je voulais juste dire, peut-être que la semaine prochaine, lundi prochain, on va faire un autre cours à la place de celui-ci, mais j'ai pas encore décidé qu'est-ce que ça va être. Donc d'ici là, je vais vous informer la prochaine fois, mais ça se pourrait bien qu'on fasse un petit livre. J'ai pas encore le titre avec moi, mais parce que je m'en souviens pas pour l'instant maintenant, mais aussitôt que durant la semaine, je vais envoyer un message sur le site, puis ça va être annoncé inshallah. D'accord, donc barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.